Il appelle ça du développement durable, mais c'est ça qui va durer à part d'un trou. Il faut avoir un débat public à la grandeur de la région. Pour voir, est-ce qu'on va accepter que de faire lever l'écorce terrestre entre Rouyn et Val-d'Or pour aller chercher de la base sonore?